الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Notre sujet portera sur le deuxième pilier de l'islam, As-Salah. Le prophète alayhi salat wa salam, comme le rapporte Abdullah ibn Omar, nous dit: Bunya al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah, wa iqami salati wa ita'i zakah, wa hajj al-bayti wa sawmi ramadhan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. L'islam repose sur cinq: le fait d'attester qu'il n'est point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée et de jeûner le mois de Ramadan. La prière est donc un pilier de l'islam. C'est un lien solide. C'est un pilier de la religion d'Allah Azza wa Jal, un lien solide entre le serviteur et son Seigneur. C'est le fondement le plus important après l'attestation de foi. C'est l'action la plus aimée chez Allah Tabaraka wa Ta'ala, la meilleure des actions. C'est une lumière, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et cette lumière illumine le croyant, corps et âme, intérieurement et extérieurement. Ça lui illumine également le chemin sur lequel il avance et achemine. Dans sa tombe, cette lumière le suit. Sa tombe est illuminée de par ce iman, de par cette foi, de par ses actions. Cette lumière le suit encore lors de la résurrection, sur la place du jugement dernier. Et lorsqu'on va plonger les gens dans une zulma, comme c'est venu dans le hadith, on va plonger les gens dans les ténèbres avant la traversée du sirat. Puis, Allah Azza wa Jal accordera à chacun une lumière. À chacun on accordera une lumière. Cette lumière sera plus ou moins forte, plus ou moins illuminée, selon la foi du serviteur dans ce bas monde, qu'il avait dans ce bas monde. Et les gens de la salat, plus leur salat sera forte, sera complète, sera parfaite, plus ils obtiendront de cette lumière. C'est donc une lumière, et cette lumière les guidera au paradis. Et cette lumière les guidera au paradis. Ainsi est la place de la prière en islam. Ainsi est la splendeur de cette noble adoration aimée de notre Seigneur Azza wa Jal. C'est une adoration ayant la plus grande importance. Et c'est la chose qu'on doit le plus rappeler aux croyants après le tawhid. C'est le signe de la foi du serviteur. L'islam ne peut se lever si ce n'est avec cette prière. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Le lien ou la délimitation qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Et on rapporte qu'Omar ibn Khattab disait: La hazza fil islam liman taraka salah. Il n'y a pas de part en islam pour celui qui a délaissé la prière. Cette prière, Ikhwan al-Kiram, y est rattachée à un nombre incalculable de mérites. Cette prière y est rattachée, Ikhwan al-Kiram, des bienfaits incommensurables, tous plus grands les uns que les autres. Tu ne trouveras pas une adoration parmi les adorations en islam où il y a plus de mérite si ce n'est At-Tawhid. Après At-Tawhid, les textes renfermant le plus de mérite, le plus d'éloges, sont les textes relatifs à la salat, à la prière. C'est pour cela qu'on doit se blâmer sévèrement lors de nos faiblesses à l'égard de l'accomplissement de la prière. Et c'est pour cela qu'on doit s'étonner du laxisme observé par certains membres de la communauté à l'égard de cette prière. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonner. Un seul mérite mentionné dans les hadiths du prophète alayhi salat wa salam concernant cette prière est suffisant. Est suffisant pour qu'on s'y accroche jusqu'à notre dernier souffle. Un seul de ces mérites mentionnés par le prophète alayhi salat wa salam est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Que dire alors si tu les assembles tel un collier de perles précieuses, tel un collier ayant une valeur inestimable, tel un collier n'ayant pas de pareil, tel un collier étant considéré comme une pièce unique en son genre. Cette prière a plus de valeur que ce collier. Cette prière, c'est la porte par laquelle tu entres chez Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle tu présentes tes besoins, tes craintes, tes souffrances, tes soucis. Ce lien par lequel Allah Azza wa Jalla va répondre à toutes tes demandes. Ce lien par lequel Allah Azza wa Jalla va décharger ton dos de ces montagnes de problèmes, de tristesse, d'angoisse, et j'en passe. La prière, c'est un bien absolu. Son début, son milieu et sa fin. Ses mouvements, ses paroles, ses inclinaisons, ses prosternations, ses récitations, la prière tout entière, est un bien pur. C'est pour cela que la récompense qui a été rattachée et son mérite est inestimable. Et parmi les choses les plus étonnantes dans ce sujet, c'est qu'avant même d'entrer en prière, ce qui a été rattaché à cette prière, ce qui a été conditionné pour qu'elle soit acceptée chez Allah Azza wa Jalla, tu es déjà dans le bénéfice. Tu es déjà dans les hasanat. Tu es déjà dans le mérite. Tu es déjà dans les grandes récompenses. Prenons pour exemple At-Tahara ou Al-Wudu Bil-Akhas. Prenons pour exemple la purification. Avant même d'entrer en prière, si tu savais le nombre de mérites qu'Allah Azza wa Jal te facilite, tu passerais ton temps à remercier Allah Azza wa Jal. Al-Wudu, la purification, est une expiation pour les fautes. Elle te lave de tes zulubs, de tes péchés. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous mentionne en parabole une personne qui a un ruisseau qui passe devant chez lui 5 fois par jour, dans lequel il se lave. Et il nous dit « Hal baqiya min darani shay » Resterait-il des saletés quelque chose? Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal baqiya min aw hal yabqa min daranihi shay? Voyez-vous si l'un d'entre vous avait un ruisseau qui coulait devant chez lui 5 fois et dans lequel il se laverait 5 fois par jour, resterait-il sur lui quelques saletés, quelques nuisance. Il ne resterait rien comme saleté sur lui au messager d'Allah. Ya'ani al-daram al-wasakh. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fadhalika mathalu as-salawat al-khams. le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, ben sachez que ceci est l'exemple des cinq prières. Et l'exemple est pareil pour les cinq prières. Yamhu Allahu bihinna al-khataya. Par elle, par ces cinq prières, Allah efface les péchés. Allah efface les fautes. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous mentionne également le hadith du prophète alayhi salat wa sallam dans lequel il nous dit: Kullu salatin tahubbu ma bayna yadayha min al-khataya. Chaque prière efface ce qui est passé comme péché. Et le prophète alayhi salat wa sallam nous dit: As-salawatul khams. Donc là, on parle déjà de l'oudou. Avant d'arriver dans la salat, déjà, on parle de l'oudou. Le prophète alayhi salat wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Muslim rahimahullah ta'ala: Man tawadda fahsan al-wudu'a kharajat minhu khatayahu hatta takhruj min tahti adfari. Celui qui fait les ablutions et les parfait, ses péchés sortiront de lui jusqu'à en sortir de sous ses ongles. Ses péchés sortiront de toutes parts, à un point tel qu'ils sortiront de sous ses ongles. Il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le recueil de l'imam al-Nasa'i, rahimahullah: Man atamma al-wudu, kama amarahu Allahu azza wa jalla. Celui qui parfait ses ablutions, comme Allah le lui a ordonné, fas-salawatul khams kaffaratun lima bayna. À ce moment-là, ces cinq prières quotidiennes seront une expiation de tout ce qui se passe entre les deux. D'une prière à l'autre, Allah t'effacera tes péchés. On a également le célèbre hadith de Uthman ibn Affan radiallahu anhu dans lequel l'imam al-Bukhari rahimahullah. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man tawadda nahwa wudu'i hadha ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر الله له. On ne connaît pas la valeur du wudu, subhanallah. On ne connaît pas la valeur du wudu, des ablutions. On fait nos ablutions à la va-vite, sans recueillement, sans savoir toutes les hasanat qu'il y a dedans, tout le bénéfice qu'il y a dedans. Mais écoutons ce hadith et sortons de cette insouciance. Un jour, Uthman ibn Affan a fait le wudu. Puis il a dit aux compagnons: un jour, j'ai vu le prophète alayhi salat wa salam faire le wudu comme cela. Puis il nous a dit: celui qui fait ses ablutions de la sorte, comme je viens de le faire, puis sera à la mosquée et il prie deux unités de prière, puis prend place, se verra pardonner ses péchés passés. Tu fais le wudu, comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait. Puis, tu fais deux rak'a. Là, il y a la mention d'aller à la mosquée. Dans un hadith, il n'y a pas cette mention. Et ici, on voit l'importance de quoi? Du suivi du prophète alayhi salatu wa sallam. Une des conditions pour te voir effacer, pardonner tes fautes, c'est tiba'u sunnah, le fait de suivre le prophète alayhi salatu wa sallam dans la sunnah. Regardez l'importance de suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Et ça, en réalité, c'est un appel à quoi? À l'étude de la science. Si tu n'apprends pas ta religion, si tu n'étudies pas les versets du Coran, les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam, et tu te contentes du mimétisme, tu te contentes d'imiter un tel ou un tel, parce que c'est un tel ou un tel. Non. Tu as les enseignements du meilleur de la création, du meilleur de l'humanité, du meilleur des prophètes et messagers, Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que tu pourrais agréer après lui un autre exemple à suivre dans tout? Sa sunna est entre nos mains. Le Coran est devant nous. Sa sunna est entre nos mains. Il faut étudier auprès des gens de science et apprendre à faire el wudu comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a enseigné aux compagnons. Et ne te dis pas: je suis trop âgé, ou l'école est loin derrière moi. Non, certains parmi les sahaba radiallahu anhum ont commencé à étudier à un âge avancé. Et les savants ont intitulé dans leur livre de science le fait de commencer la science après avoir atteint un âge avancé. Donc on apprend le wudu. Tu viens voir une personne de science, tu lui montres comment tu fais le wudu et tu lui demandes de te corriger, de t'aider à faire le wudu comme le faisait le prophète alayhi salatu wa salam pour obtenir quelle récompense ? Allah lui pardonne ses péchés. Allah lui pardonne ses péchés. Dans le recueil de l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit « Ala dullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi al-darajat » Qalu bala ya Rasulallah. Qala isbaghu al-wudu ala al-makarih wa kathratu al-khuta ila al-masajid wa intidharu al-salati ba'da al-salam fadhalikum al-ribaq fadhalikum al-ribaq. Ne vais-je pas vous informer de ce par quoi Allah efface les fautes, élève et élève en degré? Ils répondirent, certes, au messager d'Allah, et lui de dire, par faire les ablutions malgré la difficulté. Par exemple, lorsqu'il fait froid, lorsque tu es fatigué. Deuxièmement, la multitude des pas vers les mosquées. Troisièmement, attendre une prière après une autre. C'est-à-dire, tu vas à la mosquée, tu prends une prière, puis tu attends la prière suivante. Ceci, en général, est réalisé dans les mosquées entre le Maghrib et le Isha. Puisse Allah Azza wa Jal dissiper cette pandémie et nous permettre de peupler ces mosquées. Fadhalikum al-ribat. On pourrait traduire peut-être, voici la réelle endurance. Voici la réelle endurance. Voici d'énormes récompenses pour une action si simple. El-Wudu qui te coûte en eau quelques centimes et en temps quelques secondes. Mais la récompense d'Allah Azza wa Jal est la récompense du riche, du grand donateur, du généreux, du Hayyu Qayyum, de El-Latif al-Rahim, du tout miséricordieux. Tu fais peu, mais c'est chakou. Il te donne énormément. Pour quelle action? Le fait de faire El-Wudu. Plus jamais on ne devrait faire al-wudu comme on le faisait auparavant, après avoir entendu ces textes. Si ça c'est la hasana, pour une action te permettant d'entrer dans la porte de la prière, si ça c'est une partie de la donation, de la générosité qu'Allah donne à son serviteur qui fait l'wudu, qui est la clé de la prière, que pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal accordera à celui qui se retrouvera dans cette salate, qui se délectera de par la pratique de cette salate, qui se retrouvera dans son jardin lorsqu'il entrera en salate. Ils disent, j'ai besoin de vacances. Ils disent, j'ai besoin de voyager. Ils disent, j'ai besoin de changer d'air. Elles disent, j'ai besoin de faire garder mes enfants. J'ai besoin de me retrouver. Et le prophète alayhi salatu wa salam, lui, disait, j'ai besoin de prier. Apaise-moi par elle. Et nous nous disons, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de kada, j'ai besoin d'argent, Wa salam avait besoin de ça. Par cela, il trouvait son plaisir. Par cela, il enlevait ses soucis. Cette prière, tu n'y entres pas si ce n'est après l'appel à celle-ci, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle l'adhan. Après avoir parlé de l'wudu, on n'est pas encore dans la salat. Tes péchés sont déjà effacés. Tes degrés sont déjà élevés. Il y a l'adhan. Puisse Allah Azza wa Jalla nous permettre de répondre au adhan. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sais-tu quel est là le mérite du adhan, de l'écouter, d'y répondre? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Men qala hina yasma'u nida, celui qui dit lorsqu'il entend l'appel à la prière, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma, wa salati al-qa'ima, ati muhammadan il-wasilata wal-fadila, wa ba'athu maqama al-mahmouda al-lani wa'atta. Après l'adhan, tu pries sur le prophète, comme c'est venu dans l'autre hadith, Puis tu dis ce que tu viens d'entendre. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il accorde la station la plus élogieuse au prophète alayhi salatu wa salam le jour de la résurrection. Quelle est la récompense? Le prophète m'a dit Hallat lahu shafa'a. Hallat lahu shafa'a. Allahu Akbar. Cette chose que tout le monde recherche, l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam. Certains tombent même dans le shirk à la recherche de cela et ils s'en verront donc privés, sauf s'ils se repenchent à Allah Azza wa Jal. Ben, si toi, tu écoutes l'adhan, puis tu pries sur le prophète, et tu mentionnes cette invocation, le prophète t'annonce cette bonne nouvelle. Et c'est l'émissaire d'Allah, il ne manque pas à sa promesse. Te reviendra de droit l'intercession du prophète. Ou plus précisément, tu auras la permission de recevoir. Parce que la shafa'a, c'est que c'est que pour celui à qui Allah aura donné la permission. Donc, tu recevras la permission d'obtenir l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une chose meilleure que la dunya et son baroud. Et ce baroud. Elle est meilleure que la dunya et ce qu'elle renferme. Le serviteur, lorsqu'il jeûne, il cherche quoi? Quand il prie, il cherche quoi? Il adore Allah, il fait des efforts, mais il redoute que quoi en réalité? Il a peur de quoi? Il a peur de ses péchés. Il adore Allah avec crainte, avec espoir et amour, certes. Mais un des grands moteurs, c'est la peur d'Allah Azza wa Jalla. Et elle est provoquée par quoi? Elle est provoquée par nos péchés. Et chacun sait ce qu'il fait entre lui et Allah Azza wa Jalla. Chacun sait ce qu'il a fait depuis sa puberté. Chacun sait ce qu'il a négligé. Ce qu'Allah lui a dit de faire, et il n'a pas fait. Ou Allah lui a dit d'aller, mais il n'y a pas été. Ce qu'Allah lui a dit d'arrêter et de cesser, mais il a persisté. Chacun sait de sa personne les péchés qu'il a. Chacun sait l'amour qu'autrui lui porte parce qu'Allah lui a couvert tout ça. Et comme le disaient les anciens, n'eût été la couverture d'Allah Azza wa Jal, personne ne m'aurait aimé. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait لو تعلمون ذنوبي, si vous saviez mes péchés, il n'y aurait pas eu deux personnes à mes talons. C'est un grand savant de l'islam, un savant du Coran. Tout le monde affluait vers lui. Et quand il voyait ce monde et se protégeait de cette fitna et se dévalorisait entre lui et Allah Azza wa Jal, de par la connaissance qu'il avait de la grande place d'Allah Azza wa Jal et de son droit, il leur disait, si vous saviez mes péchés, il n'y aurait pas deux personnes à mes talons. C'est comme ça qu'ils voyaient leurs personnes. Ils avaient peur d'Allah à cause de leurs péchés. Or, ils n'étaient pas les gens des péchés, contrairement à eux. Ce sont ceux par qui Allah a secouru l'islam et a appuyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les cœurs les plus purs, les gens les plus savants, les plus proies à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, les plus lents à sa désobéissance. Malgré ça, ils avaient peur d'Allah Azza wa Jal. Avec Al-Adhan, tu peux te voir pardonner ses péchés. Iwallah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, écoutez cette action, combien elle est simple. Pourtant, la plupart en sont distraits. Illa man rahima rabbi. Man qala hina asma'u al-mu'adhin, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Radhiitu billahi rabban, wa bil-islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال غفر له ذنوبه رواه مسلم. Écoutez, وفقني الله وإياكم. Celui qui dit lorsqu'il entend le muadhdhin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا Abduhu Rasul, j'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Raditu billahi rabban, j'agrée Allah comme Seigneur. وبل الإسلام دينا الإسلام كم religion وبل محمد صلى الله عليه وسلم رسولا et محمد كم messager se verra pardonner tous ses péchés se verra pardonner tous ses péchés rapporté par muslim à quel moment on dit cela l'abbé prépondérant à dire qu'on le dit lorsqu'on entend le muezzin finir de dire wa ashhadu anna muhammadan rasulullah d'accord quand il finit de dire ça c'est là où tu dis cette parole raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula c'est pas à la fin du adhan ce dhikr là il se place après shahadatay après ash-shahadatay barakallahu fikum apprenez cette sunna pour faites la connaître après l'avoir appliquée barakallahu fina wa fikum il y a même un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam après avoir entendu l'adhan de Bilal un jour a dit man qala mithla ma mithla hadha celui qui dit pareil que lui C'est-à-dire que l'adhan, yaqinan, yani avec certitude, dakhala al-jannah, il entrera au paradis. Yani il y a quoi dans l'adhan? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ceux qui disent ça avec certitude, entrera au paradis. Apporté par l'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Est-ce que le mérite s'arrête là? Il n'en est même pas encore entré en salat. Je pense que les mérites de la salat vont venir demain dans le dars. Hein? Subhanallah. On n'est même pas encore dans la salat. Ses péchés sont effacés, son corps est lavé. Naam. Ses degrés élevés. Il est au adhan là. Est-ce que le fadl s'arrête là? Non. Notre Seigneur, ni'ma rabb. Notre Seigneur a dit de certains de ses serviteurs et certains de ses prophètes, quel bon serviteur. Est-ce que nous, on ne va pas dire de notre Seigneur ni'am al-Rab? Ensuite, Allah nous donne un temps où il exauce toutes nos da'awat. Le mérite de la salat, écoutez. Al-du'a la turaddu bayna al-adhan wal-iqam. Le prophète sallallahu alayhi nous dit que les invocations ne sont jamais rejetées lorsqu'elles sont faites entre l'adhan et l'iqam. Tu n'es même pas encore entré dans ta salat. Allahu Akbar. Hada wa l'islam, c'est ça l'islam. C'est la religion où on te fait espérer les faveurs de ton Seigneur sans limite. On ne te dit pas espère avoir ça, ça, ça, ça seul. Non, espère tout ce que tu veux, cher Allah Azza wa Jalla. Parce que ton Seigneur te dit je serai avec toi selon l'opinion que tu auras de moi. Si tu as comme opinion qu'Allah est à la collision qadir, qu'Allah va te donner avec l'argent, il va te donner encore plus. C'est comme opinion qu'Allah va te donner un peu. T'as une mauvaise opinion de ton Seigneur. Tous ces textes renferment quoi? Aussi des textes sur le mérite des massages et des mosquées. Naam. Ensuite, tu vas, t'es au mesjid. La prière que tu vas faire, elle a 25 ou 27 degrés ou 29 de plus que la prière que tu feras seul chez toi au marché. Non. Et demain, Inch'Allah ta'ala, on parlera. Lorsque tu rentres, lorsque tu te tiens debout, tu t'es paré, tu t'es embelli, tu te diriges vers ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, corps et âme, que tu lèves les mains comme si tu mettais toute la dunya derrière toi. Pour entrer chez Allah Azza wa Jal, le créateur de cette dunya, pour que tu l'utilises pour rentrer à lui, pour rentrer vers lui, pour revenir vers lui. Toute cette dunya, on te l'a donnée pour que tu l'utilises pour ta salat. C'est pas ta salat qui passe après ta dunya Allah te l'a donnée pour que tu fasses salat. Donc demain, on va étudier quel mérite tu as à lever ces deux mains, à mettre tes paumes en direction de la Qibla, et lever tes mains. Entre tes épaules et le lobe des oreilles, ou au lobe des oreilles, ou aux épaules. Ces trois choses-là sont correctes. Et que tu prononceras la parole la plus grande qui soit. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Et là, tu es rentré chez Allah Azza wa Jalla. c'est un moment que certains parmi les Sahaba n'ont pas réussi à couper, à éteindre, à repousser, à décaler, malgré que leur sang coulait, ayant reçu une flèche. C'est ça la salat. Cette salat que le prophète, alayhi salat wa salam, dans sa maladie de mort, dans laquelle il s'évanouissait, et dès qu'il se réveillait, ses paroles étaient « Asal l'annas, est-ce que les gens prient ?»« Allahu Akbar, est-ce que les gens prient ?» Il est en train de mourir, sallallahu alayhi wa sallam, son seul souci. Est-ce que ma communauté préserve la salat en groupe à l'heure? Cette salat dans laquelle Omar ibn Khattab était lorsqu'il s'est fait poignarder. Cette salat vers laquelle se rendaient Ali ibn Abi Talib et autres compagnons lorsque le Khawarij ont tenté de les assassiner. Fattakullah, ya ibadullah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala dans cette prière. Et reconnaît-lui ses, reconnaît ses, sa valeur. Afin que sa lumière resplendisse sur vous, dans votre bas-monde, dans votre tombe, et le jour où Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, ressuscitera, nous ressuscitera tous. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire aimer cette prière et d'en faire la fraîcheur de nos yeux. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à le mentionner beaucoup, à nous rappeler de lui souvent et à l'adorer comme il agréera. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على الصيام والقيام اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصدقاتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا شكور يا رحيم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك